Au bout de 3 semaines environ, Madame Marneff fut profondément irritée contre Hortense. Les femmes de cette espèce ont leur amour propre, elles veulent qu'on baise l'ergot du diable. Elles ne pardonnent jamais à la vertu qui ne redoute pas leur impuissance ou qui lutte avec elle. Or, Venceslas n'avait pas fait une seule visite rue Vaneau, pas même celle qu'exigeait la politesse après la pose d'une femme en Dalila. Chaque fois que Lisbeth était allée chez les Steinbock, elle n'avait trouvé personne au logis. Monsieur et madame vivaient à l'atelier. Lisbeth, qui relança les 2 tourtereaux jusque dans leur nid du gros caillou, vit Venceslas travaillant avec ardeur et apprit par la cuisinière que madame ne quittait jamais monsieur. Venceslas subissait le despotisme de l'amour. Valérie épousa donc pour son compte la haine de Lisbeth envers Hortense. Les femmes tiennent autant aux amants qu'on leur dispute que les hommes tiennent aux femmes qui sont désirées par plusieurs fats. Aussi les réflexions faites à propos de Madame Marneff s'appliquent-elles parfaitement aux hommes à bonne fortune qui sont des espèces de courtisanes-hommes. Le caprice de Valérie fut une rage. Elle voulait avoir surtout son groupe et elle se proposait un matin d'aller à l'atelier voir Venceslas quand survint un de ces événements graves qui peuvent s'appeler pour ces sortes de femmes fructus belli.